bon, les gens, on nous a réunis ici pour leur fille. On nous a dit, vous avez une heure pour parler. De quoi, on ne sait pas. Apparemment de trucs de nana, mais on va éviter. On va éviter le chiffon. Alors attends. Bon, est-ce qu'il faut faire un tour de table de présentation, un truc vachement ridicule que tout le monde sache. Ça peut être pas mal. Allez. Okay. Oh mon dieu, il y a quelqu'un qui est tombé. Aïe, ça y est, quand les filles débarquent, il y a tout qui se barre en cacahuète. Oh la vache. Mais même elle est sexiste, incroyable, ça n'a aucun respect. Je déteste les femmes, je tiens à vous le dire. Non. Vraiment. Merci. Merci. C'est pas vrai. Merci Charlotte. C'est pas vrai. Donc voilà, cette heure fille commence. C'est perturbant. Bon, de quoi on va parler ? On va parler, mec ! Non, je calme. On va éviter. Parlons bien. Du coup. De quoi veux-tu parler, ma chère Charlotte ? Alors déjà, pas de chiffon, s'il te plaît. Tout sauf le chiffon. Non, j'aime pas les chiffons, je suis pas très textile. D'accord, très bien. Excuse-moi, alors. Des trucs que les filles ne font pas habituellement, on va dire. C'est sexiste comme question. Oui. C'est très sexiste comme question. C'est vraiment sexiste. Mais non, je voulais pas dire ça comme ça. On va dire que... Je sais pas. On va dire qu'on est dans un milieu où il y a quand même vachement de mecs qui est le d'ailleurs visuel. Un peu... Ah bah ouais. Il y a quand même vachement de mecs. Ah mais ça c'est que pour vous. Voilà. Représente les sats, représente les meufs. Voilà, oui. Représente les deux. Voilà. Représente les deux. Design d'espace. Non, pas que les deux. Non, bon, tous les sats, il y a que des meufs. Ah ouais, c'est vrai que les sats, franchement, le côté artistique, cherche le mec, quoi. Cherche. Sur une promo de mise à niveau en art appliqué, 90 élèves, 3 classes, il n'y a que 10 mecs. 10 mecs. Et ils sont pas beaux. Ils sont soit pas beaux, soit gays. C'est pas genre on cherche le mec, non, c'est juste qu'on constate, sérieux, il y a un problème. Sale histoire. C'est triste. Eh, il y a un homme, là. Va-t'en. N'importe quoi. On n'aime pas les garçons. Ah, moi j'aime pas les garçons, a dit Florence Forestier un jour. Voilà, ça pue, ça a les poils comme ça. Ça mange trop bien. Ça mange que de la viande. Ça mange la viande, et le monsieur. Et des patates. Des patates. Fais le moment de ukulélé pour accompagner ça. C'est bien sûr rire et chanson. Tu nous entends bien ? J'entends le ukulélé. C'est vrai ? Oh, génial. Rire et chanson. Je propose qu'on chante une chanson. C'est Noël. Attends. Oh putain, il y a une affiche parking. Elle est quand même assez impressionnante. Elle est géniale, cette affiche. Bon, parlons peu, parlons bien, ne parlons pas chiffon, ni garçon. Ridicule. Non. On va parler. Qui est allé au cinéma récemment ? Je ne suis pas allée au cinéma récemment. Disons que mon porte-monnaie dit un peu non au cinéma. Quand c'est triste. Ouais. C'est si cher la culture. Aller au musée, ça te coûte un bras. C'est fois. Un luxe, hein, se cultiver maintenant. Est-ce que ça n'a pas toujours été un luxe de toute façon de se cultiver quoi qu'il arrive ? C'est comme dans leur triste, comme dans leur nana, excusez-moi. Exactement. C'était pour mettre un peu de dramaturgie. Là. C'est leur pauvre en fait. Je fais la musique, moi je fais le fond sonore. Donc, la culture. Le ménestrel. Ouais, mais non, tu m'as débranché, meuf. J'ai débranché personne, j'ai tourné le mien. Il y a des petites interférences dans les câbles. Il y a trop de câbles branchés, ça ne marche plus. Allez, c'est bien leur meuf, c'est parti. Allez. Bon, parlons fanfiction. On a des hommes pour... Putain, on a besoin des hommes pour nous aider. J'ai un pote qui m'a envoyé une fanfiction tout à l'heure, faut que je te la fasse lire, elle est géniale. Oh, génial. Elle est dégueulasse. Mon dieu, tu dis qu'il y a un esprit tordu qui a écrit ça. En fait, une fanfiction, c'est quand t'as... Oui, non, je sais ce que c'est, mais ça parle de quoi? Ah non, c'est dégueulasse. En plus, c'est une fanfiction SLG. Tu te dis, mais pourquoi quelqu'un fait ça ? Bonjour, j'imagine Mathieu du SLG avoir des rapports un peu chelous, très yaoi, avec un autre personnage qui n'existe pas. Donc, t'as lu le yaourt ? Oui ! T'as lu le yaourt ? Oui ! Ah, purée, le yaourt ! Oh, le yaourt, merde ! Je vais te le montrer tout à l'heure, mais j'avais oublié. C'est vrai ! Les grands esprits se rencontrent ! Mais c'est terrible ! Mais en fait, c'est parce que c'est un pote à moi, un très très vieux pote à moi, avec qui j'ai passé ma période fangirl en quatrième, une période dont j'ai un peu honte, et la période où je lisais énormément de fanfiction. Ah, ouh! Ah là là, ça y est, tu dévoiles, Steph. Je te soutiens. Merci, je... Voilà, je suis passée par une période de ma vie où c'était pas fun. Enfin, si, quand on y pense maintenant, franchement, c'était rigolo. Et puis à l'époque, c'était vraiment rigolo aussi, on se marrait bien, mais c'est pas quelque chose qu'on... Allez, on voit. C'est pas quelque chose que tu cries sur tous les toits. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on crie sur tous les toits, mais bon. Ce soir, c'est la nuit anonyme, personne qui sait qui je suis. Voilà, on s'en fout. Allez. Personne. Par contre, on peut te remarquer assez facilement. Ouais. Laissez mes cheveux tranquilles. Voilà. Tout à l'heure, mais ton micro est accordé à tes cheveux. Et ouais, c'est alors, ce que oui, je disais. C'est magnifique. Exprès, c'est génial. Alors, j'ai adopté un petit verre bouteille, verre grenouille, pour rappeler un peu, genre, la princesse et la grenouille, mon Disney préféré. Je déconne. Imagine si on faisait vraiment toute la soirée comme ça. On a une heure comme ça. Une heure à parler Disney. Ce serait insupportable. Mais non, on peut parler Disney sans avoir la niaise. Et non, ouais. C'est ça le truc. Intéressant. Alors, on peut parler du développement du personnage, des méchants et tout ça, comment ils sont traités, comment ils sont montrés, genre pourquoi. Comment ils baissent, etc. Voilà, on dans le sujet tout de suite. What? On retourne dans la fanfiction du côté de Clara. C'est génial. J'ai pas oublié le yaourt, ouais, il faut passer quelque part. Et ouais, en fait, si la méchante belle-mère, en fait, elle accouche avec Scar, mais c'est dégueulasse. C'est immonde. Ils vont nous couper à la régie, ils vont se dire, ah, c'est des conneries, on coupe. C'est dégueulasse. Est-ce que je peux dire une connerie? Je sais même pas si mon micro il est branché parce que je m'entends pas dans mon casque. C'est vrai que je t'entends pas dans mon casque non plus. Oui. Je t'entends rien dans ton casque. J'entends personne, hein. En fait, moi j'ai que la moitié de mon casque qui marche déjà et je m'entends pas moi-même. C'est un peu compliqué. Je crois qu'il y a que le mien qui marche. Moi le mien marche à peu près. J'entends à peu près c'est tout la monde. Nuit ah, anonyme qu'une fois par an. Ah, heureusement qu'il y a les ingé-sons pour nous aider. La nuit anonyme, ça n'arrive qu'une fois par an. Ça court-circuite, ne point par... trop bouger. Une fois par an. Ça y est, j'ai plus de son. Tu bouges. Voilà, Clara, elle a bougé, voilà. La technologie ne nous réussit pas. Une fois par an. Bonjour, c'est un BTS audiovisuel. Qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi elle secoue ? Parce que elle sait que ça fait grésiller, mais elle secoue. Non, pour que ça remarche. On a l'ingénieur son qui fait un faceplane comme ça. Il en a un peu marre là. Je le plains. Le seul mec parmi la pièce. L'autre il se dit mais quelle bande de tanches j'ai en face de moi, c'est incroyable. Pièce et les autres pièces. Vous pouvez pas genre avoir l'air de vraie technicienne, enfin je sais pas. Oui, parce que là on a vraiment l'air de. Ta prise jack. Ton jack. Mais savez-vous qu'il y a 4 points sur cette prise jack? Hey, merci monsieur N hein, quand même pour nous apprendre ce genre de choses. Je me souviens du cours dernier. Mais non, sur les gros jacks, il y en a 4, il a dit. Un clair du sondier. Il est sondier, hein, je te conseille pas d'aller sur ce terrain-là avec lui. Ah, mais écoute, le mec, c'est son métier. Il a voulu nous montrer le jack en disant et là, il y a 3 points. Ah, mais il y en a 4. C'est drôle. Bon, je propose que l'on lance un sujet moitié meuf, moitié pas meuf. C'est-à-dire pour faire les meufs, mais pas trop. C'est-à-dire pas ce qu'on vient de faire là, genre ah, ça marche pas, les bites. Parce que du coup, en étant avec le BTS audiovisuel, ça craint du boudin. Quoi. Ça fait double. Enfin, on a une intruse quand même, c'est pas grave, Judith, on t'aime quand même. Ouais, ça va, je le vis bien. Alors, comment tu vis le fait d'être en design d'espace et tout, alors que nous, dans notre visuel, quelque chose un peu plus. Rien du tout. Franchement, ça va, j'arrive à m'intégrer plutôt bien, je trouve. Merci. Pour l'instant, je ne me sens pas alone. Donc c'est bien, va. C'est bien. You are not alone. Oh, ça y est, j'entends quelque chose. Par moment. You are not alone. Elle a été illuminée par ma douce voix, par le bruit, par le son. Oh non, de Dieu. Comme cette femme qui s'est fait poser un implant et qui du coup a entendu pour la première fois, j'ai vu quasiment autant de lumière dans ton regard, autant de joie dans ton sourire. C'était magnifique. Merci pour ce moment de pure joie. Bon, bref, alors c'est quoi ton sujet mi-meuf, mi-pas-meuf, Clara, on t'écoute. Ouais, mais je proposais comme ça. Ok, d'accord, très bien. Débrouillez-vous. Eh ben vas-y, Clara, plante ton drapeau. Plante ton drapeau. Alors, plante expression est née du fait qu'on était merci dans un bar une fois. On a tout vu, pas une fois. Et j'avais dit une connerie et je l'assumais pas trop. Enfin, je crois que je l'assumais pas trop cette connerie. Non. Alors, du coup, il y a Victoria et Judith qui ont essayé. Bon, je parle aussi aux auditeurs, du coup. Ah la vache. Qui ont essayé de me faire dire ce que je voulais dire, ce que je ne voulais pas assumer. J'étais là, genre, non, je veux pas. En lui disant, impose ton propos. Vas-y. Va au bout de ton propos. Va au bout de ton propos. Sauf que Jason, mon copain qui est à côté, qui est des fois sourd comme un pot, et qui des fois est complètement à côté de la plaque, genre la plaque elle est là, lui il est au moins à 3 km derrière. Voilà. Bonjour Jason, qui si nous regarde. Bonjour ouais, Jason, si nous regarde. Bisous. Et qui lui comprenait depuis le début, plante ton drapeau. Ce qui est absolument pas drôle, mais franchement, sur le coup, qui est de bière, t'es content. Excellente expression. Qui traduit effectivement le fait de d'imposer son avis. Donc, je propose que voilà, ce soit une expression votée. Maintenant, la France dira hashtag plante ton drapeau. Voilà, votez dans les commentaires, dites-nous votre avis. hashtag plante ton drapeau. La nuit, la nuit des anonymes, s'il vous plaît, réagissez dans les commentaires. Est-ce qu'on valide cette expression ou pas ? Plante ton drapeau. Plantez votre drapeau. Plantez sur votre drapeau sur les commentaires. Les... Allez-y. Merci. Bon, après, quand on est agacé, on dit suce mes pieds, mais c'est un peu bizarre. Ah oui, ça aussi, hors contexte, beau. Ça marche plus. Bon, bref. Donc, plante ton drapeau, Clara, ou n'importe qui. Eh bien, faisons un sujet. Pas trop mademoiselle, s'il vous plaît. Pour ceux qui connaissent Charlotte et la Nicole. Est-ce que c'est mademoiselle.com ? Ouais, c'est mademoiselle.com. Genre, alors parlons du harcèlement de rue, les meufs, genre un truc comme ça. Non, merci. Ah, c'est... Ouais. Oui, je pense que sur la fanfiction, on était bien partis. Ah, mais c'est horrible. Il y avait horrible. Un truc à faire. Vous savez tous ce que c'est une fanfiction. Oui, oui. C'est ouais. drôle. Ah, on mais a j'en tous lis lu. Pas, donc... J'en ai lu quelques-unes qui ont l'air très réalistes. Dans la vie. Faut en lire une au moins. C'est très perturbant. C'est dégueulasse. C'est immonde, c'est genre hyper pervers. Mais oui, parce que encore, tu sais, t'as des fanfictions genre toutes gentillettes, oui, du voilà. style ils se tiennent la main et ils sont contents. Il y en a qui sont vraiment des gros sports. Mais t'as des meufs ou des mecs qui sont là genre ouais, et puis il y va comme un porc avec du chocolat. Il plante son drapeau dans le chocolat. Là, pour planter le drapeau, il est planté. Et je me dis waouh, il y a vraiment des gens qui se sont dit attends, je vais écrire ce texte digne de Molière. Et le placer sur internet pour que tout le monde puisse le lire. Et le commenter. Et le commenter. Commenter par des gens qui sont là, genre waouh, tu écris trop bien. Waouh, c'était Shakespeare. Shakespeare ouais. Online. Ouais, et puis là, il a pris le gâteau au chocolat, il lui a foutu sur la gueule, après il l'a embrassé, c'était cool. Avec un doigt. Mais juste la voix portant pour parler de fanfiction est fantastique. Ouais, ouais, ouais. Tu devrais continuer de nous raconter des histoires. T'en prends une random, tu la lis avec une voix genre... Tu sais, les voix des gens qui lisent sur, sur W9 la nuit, là. Ouais. Ah. Jusqu'à 6h du matin. Oh, ouais. Le truc, c'est... Mais le mec, il lit un livre jusqu'à 6h du matin. Il s'endorme à moitié avec toi, tu vois, pendant qu'il lit. Ils sont sur une incrustation dégueulasse d'étoiles, sur un canapé, et tu les vois bouger à se faire chier comme ça. Un jour ils sont comme ça, à un moment donné ils sont comme ça, et puis ils lisent comme ça, à un moment donné ils en ont marre, ils baillent un coup, et puis ils sont comme ça, et ils lisent le même livre. Pendant des heures. Pendant des heures. Et là tu te dis, c'est ça le courage. C'est d'être tout seul devant une caméra, à lire un livre. Pour endormir des gens. En te disant, ça se peut, il y a des gens qui m'écoutent. Et le mec il y pense tous les soirs, il sait pas. Sur cette chaîne, tu te dis, le mec il lit un livre, et tu zappes après. C'est dingue. J'ai une excellente idée. Oui. On devrait demander à Monsieur S de nous ramener les fiches, justement. Oh oui, ce qu'il lit. Oui. Oh oui. Justement, le nombre d'auditeurs de ce genre d'émission, faudrait demander à Monsieur S. Ah oh oui. Monsieur S, est-ce qu'on peut avoir un indice, genre la dernière lettre aussi ? I. I. Ah, d'accord. Voilà. Prof, voilà. Voilà. Notre chouchou adoré, notre maître, comme on l'appelle par chez nous dans le jargon. Voilà. Et Monsieur Contrat. Voilà. Monsieur Contrat. Monsieur Contrat, oui. Monsieur, j'ai pas le droit de dire un truc, mais je vous l'ai dit quand même. D'ailleurs, soit dit en passant, qu'on a vu, entrevu, dans une fiction. Voilà, dans une fiction sur laquelle on bosse en ce moment, d'ailleurs. C'est Alain Petou. Et il est génial. Très, très, très bon acteur, je tiens à le préciser. J'aime bien parce qu'on choisit quand même l'identité de qui on va protéger. Genre, Monsieur Alain Petou. Et Monsieur... Merci. Excusez-moi. Clara, c'était la nuit anonyme. C'est une latte qui est tombée ? Bah oui. Oh non, une latte est tombée, les filles. Alors, je tiens à m'excuser immédiatement auprès c'est de... C'est la merde. De et là, il y a Pierre qui nous regarde, il est affligé. Il est affligé sur donc, son téléphone. On présente Mademoiselle oh, C. Merde. Je vous jure, je n'ai rien fait que de m'asseoir. T'as des trop grosses fesses, Judith qui se décale en mode « C'est pas moi, c'est pas moi !» Non, pas la non, ceci nous amène au sujet numéro 2, un peu filmé, pas que. Le poids. Le poids. Le poids. Parlons du poids. parlons-en. Oh, c'est le. Attends, je veux parler d'un truc de fille. Je veux parler de mon ratio boobs bid. Ah, le ratio boobs bid, c'est très important. C'est tellement meuf, mais pas trop. C'est tellement meuf. C'est tellement meuf. Mais ça va être 30 secondes juste pour vulgariser la notion et pour l'étendre. Hashtag ratio boobs bid. Réagissez dans les commentaires. C'est une notion qui était découverte par moi-même, du coup, il y a un an, qui sert à décrire le phénomène du ratio boobs bid, c'est-à-dire comment tes seins dépassent de ta silhouette comparé à ton bid. Et du coup, est né le ratio boobs bid, c'est-à-dire que si tu inventes un petit peu gros, mais des boobs qui compensent, t'as pas l'air grosse. Mais en revanche, t'as un tout petit ventre, mais pas de boobs pour compenser, tout de suite, ça ne va plus. Donc c'est le ratio boobs bid. Alors quand les gens disent « Ah, mais moi, je suis grosse et tout ça », juste parce qu'il y a un chiffre au-delà de 65 ou 70 qui s'affiche sur la balance, je leur dis « Merde, s'ils sont bien proportionnés, ça sert à rien ». Mais si ça affiche genre 54 et que t'es pas bien proportionné, je suis désolée, c'est dégueulasse. Alors excusez-moi, je tiens mais à Steph, demander de quoi on parle. J'ai entendu ça, non, j'ai entendu 54. Mais oui, attends, on parle de bide. Elle parle de poids, ratio, genre de kilos, ouais. 54 boobs. Kilos ratio. Et puis boobs, juste boobs. Voilà, genre j'avais une pote et tout ça, elle avait un poids qu'elle appelait conséquent, alors que je ne trouvais absolument pas. Enfin après, c'est une question d'os, c'est une question de morphologie et tout ça. L'ossature, l'ossature, voilà. Mais il y a des gens qui ont des os lourds. Ah, des os lourds. Des os lourds. Il y a des gens qui ont des os lourds. On dirait le nom d'une maladie, au lourd. Au lourd, ouais. La zolourde. J'ai des zolourdes dans les genoux. Et du coup, elle se trouvait grosse alors qu'en fait, elle était super bien proportionnée. Du coup, et ça... elle faisait combien cette jeune femme? J'en sais rien, moi. J'en sais rien, moi. Bah, attends, j'ai pas demandé son poids. Mais je m'en foutais, je la trouvais jolie comme elle était. Aimez-vous comme vous êtes. Venez comme vous êtes, comme chez McDo. Hein, comme chez McDo. Et c'est important. On a essayé. Et non, ça ne marche pas. Ça marche pas? Non. Elles ne nous acceptent pas comme on est. Merci, Eve. On a une auditrice anonyme qui. Oui, et d'ailleurs, elle va prendre place tout de suite. Elle ne va pas prendre elle place. Elle va pas prendre place tout de suite, suite finalement. Ouais, elle n'a pas envie qu'on la voie. Elle n'a pas envie qu'on la voie. C'est très. Bah écoute, est-ce que tu veux quand même le micro? Pour dire que je l'aime comme elle est. Tu peux faire la voix. Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu as un sujet, quelque chose à nous dire? Vas-y, lance un débat, mademoiselle E. Lance ça. Ça me fait un petit peu bizarre. Du message du sondier. On sent les ingés, là. Oh putain, Charlotte Técos. Non, moi, je vous aime comme vous êtes. Vous êtes très bien. Comme ça, là. Comme ça, là. Je me sens un petit peu bête. Mais non, mais moi je trouve que Stéphanie, il faut s'accepter comme on est. Ah non, mais je dis pas le contraire. Et tu es très belle comme ça. Je dis pas le contraire et j'essaye tout ça de faire, enfin voilà, de m'accepter comme je suis. Mais des fois, c'est plus dur que d'autres moments, c'est tout. Bah, comme un peu tout le monde, enfin, trouve-moi quelqu'un qui s'aime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À part quelqu'un qui a énormément d'ego ou quelqu'un qui s'accepte vraiment, mais genre qui vraiment, qui s'accepte. Moi je m'accepte. Je t'accepte toi. Je m'accepte. Tu t'acceptes. C'est bien, c'est s'accepte. Pas toi. Ça, je sais pas, je. Ouais. Enfin, donc voilà. Nous parlions de boobs. Il oui. est officiellement 23, nous n'avons toujours pas trouvé un sujet de conversation stable. S'il vous plaît. Ah oui. J'aimerais bloquer le boobs. Bloquons le boobs. Comme plan bloque le boobs. Pourquoi tu bloques? Pourquoi tu fais ça? Désolée. Ça va? Tu te sens bien? Excusez-moi, je viens de voir ça. Bon, on continue c'est tout hyper ça. Intéressant, ça. C'est bon, on n'a pas trop de commentaires négatifs, ça fait plaisir. C'est cool. Attends, on va accueillir. Ah, tu vois les commentaires, là on, oui. On va accueillir une auditrice. Oh oui. Zoé, veux-tu te joindre à on va accueillir une auditrice. Elle a Julien Courbet. Après. Et elle va délicatement me remplacer parce que j'ai extrêmement soif. Je vais boire. Bonsoir. Bien sûr, bonsoir. Elle va pas de l'eau, bien sûr. De l'eau, bien sûr. Puis bon, j'avoue que les sujets filles, voilà. Bah, ouais. Il fallait trouver un sujet. Voilà. On t'a demandé et tu nous as dit merde. Alors non, je suis pas d'accord. Tout à l'heure, j'ai donné un super sujet. C'était lequel? C'était justement notre condition dans le royaume. Oui, le royaume de l'audiovisuel. Ah oui, notre c'est condition. Vrai, on avait commencé. Bah. d'abord. Merci. Ah, elle a fait une bonne remarque, c'est vrai. Oui, mais du coup, on l'a pas entendu. Il faut répéter dans le micro. Attention, deuxième intervention de Mademoiselle E. Je trouve ça dommage qu'on ait accordé qu'une heure aux filles parce qu'on devrait nous accorder toutes les heures aussi. Non, voilà. Mais si vous. Ouais. Attends, mais si merci jamais ça peut te rassurer. Si jamais ça peut te rassurer, apparemment à minuit, j'ai un créneau. Et on refait une heure nana. Ah, faut demander. Parce que ouais, moi, on m'a dit. Faut demander ouais, aux auditeurs. Viens, Mademoiselle S, viens parler de tes cheveux. Bon, écoute, mes cheveux sont verts. Ah oui, c'était la chronique cheveux. Mais oui, mais c'était... Waouh, mais une heure à parler des cheveux, ça a l'air trop bien. D'ailleurs... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Zoé. Tu vas le refaire bientôt? De quoi? Mon vert? Ouais, parce que là, c'est un peu jaune, en fait. Ben oui, mais je sais, ben écoute. Ben là, ils sont totalement délavés, écoute. Et ça ne perd plus de couleur au lavage, donc je suis plutôt fière. C'est plus aussi bleu qu'avant. Voilà, ben j'ai ouais, entendu mais... parler de boobs, donc... Ah bah oui, là, tout de suite. Donc voilà, nous avons maintenant Zoé qui est parmi nous. Bonsoir, Mademoiselle Z. Agent Z. Agent Z. Okay. Bonsoir, Agent Z. Donc nous avons demandé un tour de poitrine, j'ai s'il vous plaît. Attends, moi je connais quelqu'un qui peut deviner le tour de poitrine. Rien qu'à la vue, c'est Mademoiselle C qui est juste présente ici. Ah bah en plus, guess, j'ai pas de push-up ni rien, vas-y. Ah, non, mais si je me cours, ça va être là, vraiment la honte. Comme ouais, toi, comme avec moi la dernière là, fois à Arras. Là, vas-y. Tu l'as pété à fond. C'est genre, ouais, Stéphanie, tu fais... Elle fait non, pas du tout. C'est lui. Genre en fait, elle avait tellement bu qu'il voyait mes bouses genre deux fois plus gros. Elle m'a fait, tu fais un 95C. Et alors, tu as un t-shirt flottant, c'est une difficulté, avec des rayures. Attends, de surcroît. Tu fais du B. Yes. Et tu fais du 85. Yes! Oh putain! Ah alors, je sais pas. Allez, vas-y, fais un tour de table. Ça marche avec les mecs aussi. Deuxième essai. Genre, tu es. Dépend de leur corpulence. Alors, on essaye avec l'auditrice anonyme. Alors, l'auditrice anonyme qui n'est pas à l'image, du coup, va peut-être vous donner un objet de fantasme sur cette auditrice. Elle fait actuellement du F. Elle sévit de son charme dans tout l'auditoire. Ah. Je dirais que tu fais du... Je sais plus mon alphabet. Du C. D. Tu fais du D. Ça dépend des marques. Voilà, parce que alors ça dépend des marques, bien évidemment. Ne vous fiez pas au soutien-gorge H&M, qui sont le soutien-gorge du déni, qui donnent une taille de plus et qui sont faits pour les gens qui n'assument tellement pas, qui décident de mettre genre, un oreiller à la place de leur bonnet. Et de passer d'un petit A à un gros C. Un gros C trafiqué. Merci des soutiens-gorge H&M. Ouais. Soutien-gorge du déni où tu peux carrément dormir dessus. Et c'est pareil pour Etam. Voilà. Merci Etam. Merci. Bravo. Du coup, là, je passe en E. Mais quoi? Elle vient de mais dire tu m'as piqué ma part en fait. T'es dégueulasse. Je veux piquer ma part. Genre, à l'attribution des attributs physiques, t'sais, elle est passée devant moi, elle a fait hey, moi je prends la part des boobs. Et puis elle est partie, elle était contente. Elle est partie, elle m'a fait un petit doigt d'honneur comme ça. Du coup, vous retrouvez ce que dit Eve parce qu'elle n'a pas de micro. Eve fait donc du E. Ça dépend. Dépendant des marques. Voilà, maintenant, tous les auditeurs. Ah, tout le monde t'imagine là. Savent que Eve fait du E. Imaginez-vous une femme très sexy avec des belles courbes, etc. Non mais c'est bien qu'on ait un objet fantasme dans une conversation fille. Ça fait encore plus fille. Super. Qu'est-ce qui fait fille encore? On va parler vernis nail art. Non. Bah, si. Attends mais moi j'avoue quand je me sens mal, je regarde des nail art vraiment dégueulasses pour me redonner une estime de moi-même. C'est genre la meuf horrible qui a des ongles énormes comme ça et hyper longs. Ouais, non, mais la boule de Noël. La boule de Noël. Genre la meuf, elle a fait un globe de Noël avec de la neige dedans sur son doigt. Ah, génial. Stéphanie, donc écoute, une personne voilà, qui aime bien écraser les autres pour se sentir meilleure. Voilà, je vais Stéphanie, je suis une très mauvaise personne. Je suis une très mauvaise personne. C'est une bonne occupation de parler des autres pour se sentir mieux. LLC. Non. Absolument pas. Non, je suis vraiment désolée, je tiens à m'excuser auprès de toute la communauté française, auprès de toute la communauté étrangère, bon, tout le monde en fait, d'être aussi exécrable comme personne. Bisous. Bisous, bye. On t'aime bien. Voilà. Dans, 30 tâché, dans 30 minutes. Durant les 30 minutes qui vont suivre, j'ai tâché d'être gentille. Et si jamais je dis une méchanceté, n'hésitez pas à le faire. Donc Stéphanie, le, dans les commentaires. Tu as maintenant la mission de dire un compliment par phrase. Un compliment par phrase. Oh, tu es jolie. Oh, merci. Non, mais attends. Tu sais très bien que quand j'ai envie d'être franche, enfin franchement, genre je dis les choses les plus franches des temps et genre je suis capable de faire une déclaration d'amour. Je sais pas si t'en souviens à Arras. Ah si, c'est vrai, mais j'ai passé juste bien 2 heures à te dire « Mais Clara, t'es géniale !» Cette fille est géniale. Cette fille se fait des déclarations d'amour en te parlant de très près comme ça. Oui, alors t'es géniale. Je suis tellement désolée. Mais je te remercie encore, Stéphane. Je suis tellement désolée d'être comme ça. C'est rigolo. Ça a été enregistré au moins. Non. Non, mais j'ai une très belle image d'archive de Stéphanie avec un réalisateur. Oh oui. Avec un réalisateur très connu. Voilà. Oh, le tout sympathique. Oui, le tout sympathique, celui qui est trop génial. C'est son surnom, c'est trop mignon, le tout sympathique. c'est comme ça que ça m'est venu, mais. Le tout sympathique. Ben, on va le rebaptiser dans son anonymat, le tout sympathique. Le tout sympathique. Toujours mieux que le gros dégueulasse. Donc vous pouvez vous imaginer, voilà, des grands réalisateurs type. Grand réalisateur. Type grand réalisateur. Mais qu'en vrai, vous ne connaîtrez pas parce que nous-mêmes, on ne savait pas trop qui c'était. Ils ont des choses qu'on a appris à connaître et qui était vraiment génial, qui a su en fait nous mettre en confiance et il n'a absolument pas adopté le personnage au-dessus de tout le monde. Nous, on était juste des petits techniciens à rouler des câbles et à poser un micro ou une caméra et lui tout de suite il est venu vers nous, bonjour, comment ça va, d'où vous venez, waouh, votre histoire elle est cool, vas-y viens, on parle autour d'une coupe de champagne. Voilà. Et c'était juste la meilleure soirée une du festival. Hein, une coupe de champagne, une coupe de champagne. Désolé. 5, 6, voilà, c'est bon, arrêtez de juger. Oh, c'est bon, ça va, on va. C'était l'happy hour, merde. C'était la volonté. Plus avec un petit Irlandais. Tu aurais fait la même chose à ma place. Voilà. Oui. Pire. Attends, tu veux du champagne coulé à flot, je suis désolée, t'es pas payée, bah tu te payes comme tu peux. Avec un Irlandais derrière le comptoir, voilà, qui voilà te resserre ton verre. Mais il te resserre ton verre, mais genre il te demande pas. Comme, comme le barman dans I Met. Probablement, oui. Peut-être, oui. On peut faire des ASMR. Ah oui. Oh, c'est génial. Alors, on peut faire ça quand vous chuchotez parce que mon casque ne marche pas. Mettez tout de suite un casque, ça va faire un meilleur effet. Êtes-vous on va vous faire des ASMR, on va vous parler avec une voix très sensuelle. On dirait que tu slams, moi. Je suis dans le micro. Ouais. On dirait que je slams, moi. Je sais, je slams, moi. Je suis pas chassée jusqu'au bifat. Il faut arrêter les private jokes en ah, radio. Ah, excusez-nous. Est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Ah bah non, il est pas sur Internet. Non, il refuse qu'on parle de lui. Il a signé un contrat pour ça. Private joke non validé. On arrête tout de suite. C'est incroyable, ça. Judith, tu veux bien essayer de bouger ça, s'il te plaît. De quel objet parles-tu? J'entends mieux. Oh, vas-y, passe-moi le ukulélé. L'objet le que tu j'entends plus. Je ne le casserai pas. Ça a marché 2 secondes et... Premier juré. Ça marche. C'est normal, il était débranché. Hein? Arrêtez. Je ne sais pas jouer. Mais oh, il se débranche tout seul. Non, c'est parce qu'en fait, votre fil, il tire dessus et après ça... J'entends ma propre voix. Chut. Incroyable. Ça manipule avec précaution. Ça va. Bien et toi? Bonsoir. Madame L. Madame L. Une autre invitée vient d'arriver sur le plateau. Oui, alors là, ça va devenir très mademoiselle. Ouais. Toute seule, elle est stigmatisée avant d'être arrivée, c'est parti. Et voilà, super, parfait. Alors, parfait. Il a été réglé le micro jaune. Il y a toute l'équipe technique qui s'est concentrée. Donc pour qu'il fonctionne. Il fonctionne ? Oui, il fonctionne. Oui, il merveilleux. Fonctionne. Donc, nous cherchons toujours à l'heure actuelle un sujet de débat. Mais il non, est juste on avait 33. Dit les passés. Attention, c'est leur nana. Clara, c'est le moment Clara musique. Clara a bloqué les boobs. Hein. J'ai bloqué les boobs. T'as bloqué les boobs ? Elle a bloqué les boobs ou pas ? Moi, ça me dérange pas. Il est trop tard, on parlait de boobs. J'ai entendu. Parce qu'au moment, où Steph a dit genre « Oh, on va parler de boobs » ou je sais pas quoi, j'ai fait « Elle va dire ratio big boobs » et 30, même pas 30 secondes, 2 secondes après, t'as non, fait « Le ratio big boobs » Non, boobs, bide. Non, c'est une notion que je vais développer. Non, mais c'est tout. Un jour, les premières personnes à qui j'en ai parlé vont l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre et vont se dire « Oh la vache !» Ça, je connais la meuf qui l'a inventé. Enfin, inventé. Après, peut-être que quelqu'un d'autre l'a déjà pensé. Dans ce cas-là, tu as mis du retard avant de venir jusqu'à moi. Mais Steph, ça va te faire plaisir. Mais j'avais lu une étude scientifique. Alors, les études scientifiques, j'y crois pas. Mais vas-y. Si, attends, je sais plus où Steph. Les gens ont petits boobs, ils ont des petits boobs. Oui. Steph, laisse-la parler. Aux applaudissements. J'ai pas entendu toute l'histoire du ratio. Boobs-bid. Voilà. Donc. Je brevet déposé. Replay, mais je vais aller à la SACEM, les gars. Hein. En tout cas, ils avaient mesuré la différence entre la taille, la hanche, les hanches et par là. Et ils avaient constaté. Et par là. Moi, je connais mon anatomie. Là. Alors, il y a par le là. Le truc là. J'étais en S, le truc qui collait. Voilà. Et ils avaient vu que même si la fille était super mince ou plutôt grosse ou n'importe quoi. Du moment que ça fasse le fantasme, soi-disant des mecs, ça, et ben c'était bon. Et, bah, et justement, fait un chiffre parfait. J'ai oublié, mais il y avait un quotient, le nombre des calculs, d'or, justement d'or. Parfait. Je ne l'ai pas parce que je me suis dit bon, à la limite. Clara, je suis plate d'en haut. Mais si après ça va, c'est bon. Et ben non, ça l'est pas. Moi j'aimerais juste dire que t'es très bien, Steph. Mais vous dites que ça. Que t'es très bien. Enfin, est-ce que on va pas, faire un vote à main levée. Alors non, alors je clôt. J'aimerais faire un vote à main levée. Qui trouve que Steph est très très bien? Non. Arrêtez. Voilà. Oh putain. Oh là là. Non. Par contre là, on clôt le sujet. Voilà, on ne peut pas parler du. Non, enfin, on parle du ratio boobside, mais on ne parle pas de mon ratio boobside en particulier. C'est pas, enfin, on ne va pas non plus faire un sujet en mode Steph, arrête de te dénigrer. C'est très bien qu'on te trouve jolie. Ouais, c'est bon, vous êtes mes potes, alors c'est bon, vous n'allez pas dire que je suis dégueulasse. Premièrement, mais, non, voilà, mais c'est ça que tu comprends pas, c'est que c'est pas parce qu'on est potes avec toi. Mais on ne va pas parler de moi. Non, mais c'est pas pour parler de toi, c'est que. Merci. Je suis désolée, mais. Bonjour. Je pense que là, il doit y avoir genre à peu près 8 ou 11 auditeurs. Quoi? C'est pas parce qu'on était potes qu'on ne pense pas sincèrement. Hein. Faut que tu te sortes cette des idée fois, de la on a tête. Un regard objectif, ça arrive pas souvent, mais des fois ça nous arrive. Bah, on va faire une vraie conversation de meuf. Là. Ouais. C'est vraiment. De vrai, on rentre dans le stéréotype. C'est on ça. Non mais la chérie, t'es bien comme t'es. Du coup, on va parler. Est-ce qu'on va parler des jeux vidéo de notre enfance? Moi, j'aimais bien jouer à Pikmin 3 sur GameCube et à Mario Party 4. Moi, je joue à Pokémon. Lui, il est mieux. En famille, et c'était vraiment génial parce que là où j'étais imbattable, c'était les jeux où tu devais appuyer que sur un seul bouton, genre le bouton A. Et genre, c'était le rush, c'était comme ça, genre, t'appuies, tu rushais, et pff, j'étais imbattable. Quel autre jeu sur GameCube avez-vous joué? J'avais pas la GameCube. J'avais Legend of Zelda, Ocarina of Time. Allô? Bonjour, tu m'entends? Eh, coucou. Par contre, du coup, dans Pikmin, moi j'étais trop petite. Et du coup, ben, tu sais, la première mission, vous connaissez Pikmin ou pas? Non. Oui. Non. Voilà, en fait, c'est un astronaute et il va cracher son vaisseau sur une planète lambda, et sur cette planète lambda, en fait, il va trouver des petits bonhommes bleus, des petits monstres jaunes et des petits monstres rouges qui sont juste ultra mignons, genre très très choux. Ils sont comme ça, ils ont une fleur sur la tête, ils se balancent comme ça et ils ont chacun une propriété, genre le rouge il résiste au feu, le bleu il peut pas se noyer, enfin des trucs comme ça. Et du coup, il doit voyager dans l'espace et donner des ordres à ses petites bébêtes pour récupérer les pièces de son vaisseau et pouvoir enfin rentrer chez lui et terminer sa mission. Le truc, c'est que la première mission, ça va nickel, t'as tout le temps qu'il te faut, mais à partir de la deuxième mission, t'as un temps limité. Et moi, j'étais petite, et du coup, j'avais extrêmement du mal à gérer ce temps limité. Ce qui fait qu'au moment où je voyais qu'il n'avait plus de temps et que je vais rentrer au vaisseau, je n'avais pas le temps de rappeler toute mon armée de Pikmin. Et du coup, mon vaisseau est décollé, et tous ceux qui étaient restés en bas, eh ben, ils me faisaient des petits... Je gérais très très mal le fait que ces petites bêtes mouraient sous ma responsabilité. En fait, c'est leur fille, donc je vois pas, à part le sondier, je vois pas ce que les hommes font là. Qu'est-ce que vous foutez là? Après, je... Excusez-moi, je vais prendre le micro. Quoi? Désolé de prendre le micro pour leur fille. Désolé de prendre le micro pour leur fille. Je fais visiter un peu votre studio, ce qui est votre studio pendant cette heure aux personnes qui viennent d'arriver. Mais on est juste là, on va pas parler. Enfin, moi je parle parce que vous. Bah oui, c'est un peu mort. Non, et c'est pile pendant leur fille, tu fais ça. Vous m'avez accusé. Je viens de révélation. Du coup, bonus. Je viens me défendre. Voilà, vous aurez droit à 2 minutes de plus. Mais enfin, si vous avez cette fille, c'est un peu grâce à nous. Du coup. Et je. Ah bah les hommes. Non mais en plus, Kawen c'est le plus mademoiselle des quatre savoureux. C'est vrai, c'est lui qui a insisté pour avoir leur fille. Kawen qui a mais un joli petit bout de gaffe. Ouais. Pour simuler un caleçon. Que je trouve très sexy. C'est le ouais. Barnier rouge, le barnier de si la sensualité. Si on était des filles machos. Ouais. Des filles machos. Ouais. Oh là et là, qu'on parlait de mecs. Oh là là. Genre de mec très sexy. Genre Johnny Depp. Alors allez sur de la viande et des connards. C'est de la viande et des connards. Oui, parle-nous de la viande et des connards. Alors, de la viande et des connards est un Tumblr qui a été créé après, du coup, des fromages et des putes. Et c'est en fait une association d'images entre, vous savez, les photos de BG qui font des photos du style calendrier, de la, calendrier pour Nana, si je puis me permettre. Du style, hey, mec, et si t'étais, genre, tu te faisais de la muscu, tu te huilais le corps, tu mettais un slip blanc et tu te mettais sur le sable. Ça serait une super photo sexy. Et le mec, il se dit, grave. Et nous, on est là, genre, c'est dégueulasse, le slip blanc. Et du coup... Oh, c'était bien maîtrisé. Et du coup, donc, plein de photos comme ça, qui ont une certaine colorimétrie et une certaine charte, enfin, composition et tout, qui fait que quelqu'un a décidé d'associer cette photo avec son identité graphique, si je puis dire, à une autre photo de viande avec la même... avec le même... Paye. Quoi ? C'est beaucoup trop long comme... Tu veux en parler ou je vous explique par message ? Non, vas-y, j'en parle parce que ça va être très compliqué. Alors, pour vous expliquer ce qui se passe, Karen nous a montré quelque chose. C'était le truc le plus perturbant des temps. Désolé, je refais encore du mansplaining. C'est semblant d'être. Je suis encore du mansplaining, désolé, mais vous parliez d'un Tumblr et du coup, moi je parlais du Tumblr Paytashneck qui regroupe toutes les phrases macho que des hommes peuvent dire à des femmes dans la rue et ça montre vraiment à quel point les hommes c'est des cochons, nique sa mère les hommes. Moi j'ai une question à poser à Kawen. C'est quoi cette appli qui permet de faire afficher des trucs en très gros? Ouais, c'est quoi ça? C'est un truc de l'empereur. Qui est l'empereur? C'est Pierre Ponce. Parce que c'est Pierre Platine et ça fait un peu Palpatine, du coup c'est l'empereur, c'est leur joli. Ça ressemble un peu au duc, et vu qu'il y a l'empereur et le duc dans je la sens même que ça salle, nous juge de l'autre côté. Est-ce qu'on nous juge? Mais non. Je suis sûre. Moi je connais des rageux qui sont en train de dire « Ah là, ah là encore, allez, c'est parti, allez, je suis pas non, je il est l'heure. » Ça y est, ça continue, allez, on ça commence, allez, vas-y, reparti. On citerait pas le vieux qui sort ce genre de phrase. Ça se trouve pas du tout, on est en train de le descendre, il est en train de pleurer dans la chambre. Ah yes, les mecs dégagent. Bisous à vous tous dans la salle d'à côté. Donc oui, donc ce Tumblr du coup qui... qui associe des images de mecs qui se prennent en photo en mode BG à une image de viande aux colorimétries similaires. Du coup, c'est des associations très très drôles. Soit c'est un raccord de forme, un raccord de contexte, un raccord de motif, un raccord de couleur, enfin n'importe quoi. Avec Stéphanie de la viande et des connards. C'était un programme de l'Éducation nationale et du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de la Défense. Merci. Et du coup, il y en a pour tous les goûts. Notamment, bon, il y a les viandes et des connards, mais il y a aussi des fromages et des putes. Ouais. Bon, c'est pas très gratifiant comme nom, mais c'est vraiment très très drôle. Les raccords qu'il peut y avoir, c'est entre les motifs, les couleurs, c'est beau. Enfin, voir une mimolette, une vieille mimolette, là, le craquelé qui se remet à la dentelle du soutien-gorge de la jeune fille. De rousse. La vieille pute craquelée mimolette. Voilà. J'aurais pas osé. Il n'y a pas de respect, c'est bon. C'était très beau. Merci beaucoup. Donc voilà. C'était, et ça boit, et ça continue. Après, il y a toujours bonjour monsieur et bonjour madame, hein, pour tous les goûts, mais personnellement, je trouve que c'est... Bah, c'est un peu facile comme Tumblr. Parce que c'est pas un Tumblr, c'est un site en particulier. Avez-vous inventé un concept similaire? Nous vous écoutons. Non. Des enfants à des croutons. immeubles. Non. Des vieux et des hôpitaux. Allez, on continue. Non, mais si on toujours plus. Il y a toujours plus. Tu fais vraiment Mathias comme ça. Arrêtez de me couper la parole. C'est bizarre, ce Mathias qui vient du sud, horrible. Un peu trop du sud. Allez, ça continue. C'est terrible. Non, j'arrive pas à faire l'accent bordelais. Et donc, si on parle de Tumblr cool, il y a Graffitivre qui est méga cool. Parle-nous de ce Tumblr. Graffitivre. Alors. Attends, j'ai envie de tousser. Avec une voix sensuelle. Je vais pas y arriver. Graffitivre. Bon. On dirait eh ben, la vous faire un la lecture ASMR, de la nuit. J'ai oublié la voix sensuelle. Alors, désolé. Graffitivre, donc. Graffitivre, c'est un Tumblr qui recense plein de gens qui, à chaque fois qu'ils trouvent un graffiti dégueulasse, que ça se voit que ça a été fait par quelqu'un d'un peu louche, dans un état un peu second, il le prend en photo, il l'envoie à Graffitivre, donc le Tumblr. Ils font le tri et ils sortent que les meilleurs. Et du coup, il y a très très beaux graffitis, des petites phrases sympathiques et tout. C'est vraiment magnifique. Voilà. Je pense que c'est un bon sujet de conversation. Ouais. On va chacune dire des sites qu'on visite souvent, des trucs d'art et tout ça. C'est parti. On continue. J'ai un truc qui est vraiment très rigolo. Alors pour ceux qui regardent Squeezie. Squeezie et Sweetie. Est-ce qu'on en parle? Vas-y, on la laisse finir. Alors, pour ceux qui regardent Squeezie régulièrement, doivent connaître ce site. Mais en gros, ça s'appelle The Useless Site. Oh oui, le truc random. On a des fins connaisseurs. Oh. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement un bouton qui s'appelle The Useless Site. Voilà, tout simplement. Voilà, restons dans la sobriété. Vous cliquez dessus. Et là, ça vous envoie sur un site complètement random de l'Internet. Tu sais même pas comment le gars il a fait pour trouver ça. Il a dû passer des milliers d'heures de sa vie à trouver plein de sites comme ça. Qui se caractérise comment? Comment caractérise un site complètement inutile? Par exemple, une page qui s'appelle Le Crouton. Et vous avez un crouton sur un crouton. C'est trop bien. Et le meilleur, je sais pas si t'es déjà tombé dessus, c'est un asticot. Oui, l'asticot, il est tout droit comme ça. Et on peut le bouger avec le curseur, donc il bouge comme ça de façon très très fluide. Et c'est génial. Et quand tu décides de t'énerver dessus, à faire ça, là il fait... Il y a plein de couleurs, c'est psychédélique. Et là, il part dans une crise épileptique de couleurs et de sensations qui te disent « Waouh, la vache, je suis dans le monde de l'Internet !» C'est spectaculaire, c'est génial. Et je recommande, du coup, The Useless... The Useless Site. Et de tomber, heureusement, sur ce site magnifique. Après, si vous n'avez pas de chance et que vous tombez sur la guerre des pixels... Ah, oui. Vraiment intéressant. On s'y prend. Personnellement, j'ai passé des heures à faire des paris avec mon copain dessus. On prenait chacun une couleur, on se disait lequel va gagner. Et en gros, c'est basé sur un algorithme dont je ne me souviens plus du nom. Et donc, on a une plage de pixels de je ne sais plus combien sur je ne sais plus combien. Et en gros, il répond à un algorithme qui fait que dans telle situation, le pixel change de couleur. Et du coup, le but est de savoir comment cet algorithme va faire évoluer les deux couleurs qui sont proposées, et ça ne donne jamais la même chose. Ce qui fait que aléatoirement, on parie sur sur une couleur, et on regarde au bout d'un certain temps, une demi-heure, 15 minutes, voire même 2 heures. La dernière fois, on a attendu 2 heures pour avoir le dénouement de ce combat épique de pixels sur lequel on n'a aucune influence. Voilà, c'est une perte de temps totale. C'est une perte de temps totale, mais pour le pari débile du jour. Ça se tente. Pour énoncer un dernier site complètement débile et random. Non, mais j'en ai un autre après, c'est pas le dernier. De celui-là, c'est. Ça se passe sur une truite. T'en remets-tu? Oui. Alors vous avez un homme. Oh oui, la truite. Un homme dans un petit carré dans votre page. Donc tout le reste, c'est complètement inutile, mais c'est pas grave. Et il y a cette animation de truite qui va dans sa gueule, comme ça. Et vous pouvez la faire repasser. À l'instant que vous voulez, et donner des baffes avec une truite à volonté. Voilà, c'est basé sur le mouvement de votre curseur, sur le magnifique gif, et du coup, on peut faire genre... Donc, un gameplay absolument fascinant, et des images à couper le souffle. Une qualité, franchement, c'est de la full HD, on est même proche du 4K. C'est ça. Et une qualité d'image époustouflante, un gameplay... Travailler votre skill, comme ça, avec votre souris, pour essayer de donner le plus de claques possible. Voilà, il est temps de maintenant passer peut-être à un autre site. Moi j'ai plein de sites débiles, en fait, je me rends compte que ma vie c'est de la merde. Alors moi, c'est pas un site débile, c'est un site qui... Ah, tu peux dire des sites bien aussi. Hein. Non, c'est pas forcément un site, c'est... Quand t'as passé une journée mais merdique, totale, que t'es dans la dépression, et que tu dis... Ben, c'est la merde. Et ben, tu regardes des sites du genre... les 15 personnes qui ont une vie encore plus merdique que toi. Et des situations, mais du genre, les trucs, mais tellement improbables et tellement, qui te paraissent tellement débiles, mais ça arrive en vrai, du genre, enfin, des images, tu vois, genre les 15 personnes qui ont passé une journée de merde. Ça fait du bien. Donc, je suis pas la seule à rire du malheur des gens pour me sentir mieux. Non, non mais genre, quand t'es vraiment au fond du trou et que t'en peux juste plus de ta vie, tu dis, allez. Et après, tu réalises que, en fait, ça va. Après, ça va. C'est cool. C'est pour relativiser. Lina, as-tu un site à nous proposer ? J'ai un joli site à vous proposer. Si vous avez des lettres que vous avez écrites, des SMS que vous n'avez jamais osé envoyer. Donc, c'est ça, en fait. C'est une nana de... Je crois qu'elle a entre 15 et 17 ans. Elle est vraiment toute jeune. Et elle a fait un Tumblr qui s'appelle... J'ai le nom sur le bout de la langue. S'il me revient, je vous le dis. En tout cas, c'est un Tumblr où vous pouvez lui envoyer par message un SMS non envoyé, une phrase non dite, une lettre écrite, mais jamais envoyée. Et elle les publie anonymement sur le Tumblr. Et c'est très, très, très, très beau à voir. On a aussi des trucs complètement random, pour utiliser l'expression de ces mesdames. Et vraiment... Mais la plupart des mots sont touchants, finalement, parce qu'on se dit, c'est des gens qui ont écrit ça, qu'il y avait une intention pour quelqu'un, et ça n'a jamais été dit. Donc si vous avez comme ça des petites choses que vous ne pouvez pas dire, que vous ne voulez pas dire, et ben, là, vous pouvez le faire de manière anonyme. Et c'est vraiment très, très joli comme site, et très sympa. Et je trouve que la base, le fondement du site est vraiment sympa. Quoi. Et ça s'appelle... Je sais plus. Mais elle va revenir dans la soirée. Alors vers 1h du matin. Non mais j'irai regarder après sur mon téléphone et je reviendrai le dire. Avec une pancarte fait. Ouais, j'ai retrouvé. C'est lui. la petite touche fleur bleue. Parce que c'est merci moi. Pour encore cette petite histoire de fleurs. Nous allons faire une interlude musicale. Elles sont pas. Moi, je fin de l'interlude musicale. Si en particulier débile ou pour se sentir mieux ou bien fait ou quoi. Peut-être à une série de vidéos. Oups. Série de vidéos sur un programme d'Arte, je crois. Personne ne bouge. Et la série de vidéos, c'est des tutos total. Et en fait, ils reprennent des tutos, je crois, souvent d'Amerloc. On ne sait pas ce que c'était les tutos à la base. Mais ils prennent l'image et ils font un montage où ils changent la voix et le sujet. Et ils en font des critiques de cinéma à partir d'une bande-annonce. Et après, ils font les tutos points. C'est pas mal pour aller pour savoir quel film tu vas aller voir, mais c'est bien débile. Ça a l'air pas mal. On sait pas ce que font les autres. Ils parasitent le son depuis tout à l'heure avec la chaîne. Non, mais c'est pas ça. On parlait... Non, mais des tutovaille.com. On vous entend. Mais on pas de nom. Des tutos proprio. Genre comment fonctionne une machine à laver. Et alors là vous voyez c'est l'évier et là c'est le liquide vaisselle et là c'est l'éponge. Mais là si vous mettez l'éponge sur le bois qui est à côté de l'évier où il y a plein d'eau, et ben le bois va s'imprégner des moisissures et il va falloir tout refaire. Bah mais pas et du ça, bois qui c'est est moi qui vais le faire. Je sais pas. Mais pas du bois qui est sensible à l'eau. En fait... Non, c'est une autre faute. De temps en temps, il faut assumer. J'entends pas mes fautes. Là, je suis dans un endroit, dans un moment où j'entends pas mes fautes. D'accord. Français. Mais alors, parlons à autre chose. Mais je parlais pas de tes fautes de français. Mais alors, parlez de tes fautes, genre tu mets de l'eau partout sur oui, le plan voilà. de travail. Parfois, il faut assumer juste que, bon, de temps en temps, on fait les choses mal. Voilà. Non, mais il faut assumer aussi qu'à un moment donné, il faut peut-être pas mettre un truc qui craint l'eau à côté d'une source d'eau. Alors, nous avons notre invité mystère qui a... L'invité mystère qu'on ne voit pas. Mais file-lui un micro. Alors, qu'as-tu à nous dire, invité mystère ? C'est l'invité mystère. Tu seras sûrement merci, le mot de la fin, d'ailleurs. Car il est en vous écoutant, ça m'a fait penser à ça, mais du coup, je vais passer pour peut-être une grosse has-been de la toile. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de ce site, mais il y a un jour, mon cousin m'a montré une histoire un peu folle qui s'appelle le lanceur de viande. Je ne sais pas si vous connaissez. Parle-moi. Pas mon avantage. Ça a l'air chelou. Est-ce que dedans il y a des connards? Non, non, non. C'est juste un mec qui. C'est dans Paris, il me semble que ça se passe, et il se promène, et en fait, il passe plusieurs fois au même endroit, et à chaque fois, au même jour, il y a un paquet de viande par terre, non identifié, il ne sait pas ce que c'est. Et du coup, il mène un peu l'enquête sur. Mais qui? Parce qu'un jour, il voit comme ça, il y a une main qui sort d'un appartement et qui lance ce paquet de viande. Donc, il mène l'enquête sur ce lanceur de viande. Et pour savoir de quelle viande ça s'agit déjà, est-ce que c'est sa femme en fait qui l'a tuée depuis 15 ans ou pas? On ne sait pas. Et c'est vraiment très très drôle. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à suivre cette enquête. Et si vous ennuyez, que vous avez du temps à perdre. Non, je ne veux pas savoir. Ne me spoil pas qui balance cette viande. Allez consulter le lanceur de viande, c'est vraiment très drôle. Moi, j'ai bien rigolé. Bah, merci. Voilà, merci. Merci. Tout le monde a proposé son petit site. Non, mais j'ai un autre site qu'il faut dire. Ah, moi aussi, j'ai un autre truc à dire. On arrive dans la période de Noël et du coup, les calendriers de l'Avent, c'est cool. Et on a une connaisseuse ici des calendriers de l'Avent. Ouais. Ceux qui savent, savent. Merci. Merci Stéphanie. Non, c'était juste pour la faire réagir elle et puis d'autres personnes. Mais... Un calendrier de l'Avent. Ah J'aime la vie. Et donc oui, et donc le truc auquel je pensais c'était au calendrier de l'Avent de Salut c'est cool. Oh non. Oh, non. Chaque jour un truc super chelou. Et du coup c'est drôle. Super chelou par qu'est-ce que tu veux dire D'accord, il y a des gens qui n'aiment pas Salut c'est cool, on a le droit de ne pas aimer juste le calendrier. D'accord si tu veux, mais juste l'invité mystère a vu que Salut c'est cool trois fois en concert. Leur calendrier de l'Avent est très drôle. Genre j'ai commencé par les connaître par leur calendrier de l'Avent avant d'écouter leur musique et c'était bien. Voilà. Merci pour ce point culture. En parlant de calendrier de l'Avent, ça me fait penser à cet événement Facebook qui s'appelle l'anniversaire de Jésus. Et donc, il y a un calendrier de l'Avent. Et donc, le lieu, comme c'est un événement Facebook, il y a un lieu. Le jour, c'est le 25 décembre. Le lieu, c'est Bethléem. Et est-ce qu'on peut chanter le corps du Christ après ça? Oh oui, j'allais te le proposer. Tu peux participer. Vas-y, Lina. Tu peux participer comme tu veux. Et en fait, tous les jours, comme un calendrier de l'Avent, bah, le ou les administrateurs de site complètement, enfin de cet événement complètement qui n'a aucun sens, postent des petites anecdotes. Alors c'est genre Jésus qui s'adresse à tout le monde, des blagues, c'est n'importe quoi et c'est très marrant aussi que comme calendrier de l'Avent. C'est en attendant du coup bah pas Noël mais l'anniversaire de Jésus. Super. Voilà. Okay. Merci. À voir. Et est-ce que je peux demander à Victoria de nous faire une interprétation gospel du corps du Christ? J'ai déjà oublié les paroles. Alors, c'est le corps. Je te souffle les paroles. Le corps du Christ, des pieds à la tête, musclé comme la tête. Le corps du Christ, je stresse. Comme je l'aime. Mais c'est chanson de Raphaël, ça? Mais oui. Elle a dit quoi? Allez, Victoria. Vas-y, c'est parti, version gospel. Tu chantes en même temps que moi, comme ça. Vas-y, on va tous chanter. Voilà, tout le monde chante en même temps. Super. Non. Rappelle-moi. Parce que sinon j'ai pas les paroles, je vais pas m'en souvenir. Bah, je te souffle les paroles au fur et à mesure. Mais si. Allez. Mais non, chante en même temps que moi, t'es nulle. Non, c'est trop tard, t'es pas venue pour aller à la Tout le monde chante. Il nous reste que 2 minutes, alors bon, allez, Steph. Ah bah du coup, attends, bah avant de chanter, du coup, je parle de mon dernier site. C'est les Eyes Up For You, que j'en parle depuis un bon bout de temps maintenant, mais personne ne va voir, merci les gars. C'est en fait c'est un site qui fait une sorte de zap toutes les semaines. Bon là en ce moment c'est un peu en dèche mais ça va repartir. Et en gros c'est un peu comme un zap de spion, il y a des fails et tout, mais il y a une partie un peu plus engagée, il y a une partie clip musicale. On va dire que je trouve que le montage il est pas oufissime. Je pense que si je parle à quelqu'un de montage, il va regarder, il va me dire ouais c'est bof. Mais il y a certains raccords de sujets, certains raccords de formes qui fait que on se retrouve dans un univers particulier, qui font que on se retrouve dans un univers assez particulier en fonction du sujet qui est abordé. Et il y a toujours une petite partie engagée sur un sujet d'actualité en général, comme la sécurité, le droit à l'information. La COP21. La COP21, par exemple. Et tout ça, les choses dont on ne se rend pas compte. Genre, la dernière fois, j'ai regardé du coup un mix de reportages sur les teinturiers au Bangladesh. Et on se rend pas compte qu'il y a des teinturiers qui risquent leur vie chaque jour pour à peine une bouchée de pain, juste pour qu'on ait un sac en cuir ou un... Enfin, voilà, je suis pas non plus en mode écologique, je suis pas non plus en mode je défends le... I zap for you. Ouais, I zap for you, donc I zap for avec un 4 et U pour you. I zap for you, un zap toutes les semaines. Là, bon, on en a au 150e et voilà, c'est assez intéressant. Il y a de la musique qui est proposée également. On peut faire des découvertes et puis voilà, c'est toujours intéressant voilà. À regarder. Donc c'est un zap que je propose, que je recommande, parce que je trouve fort sympathique et voilà, on en apprend énormément. Bon après, il y a toujours son petit lot de conneries, hein, tous les apps d'internet. En fait, c'est dès le début, on nous met. Pas grave, Clara. C'est pas grave, Clara. Tristesse. Je me casse, je rage quitte. Non, faut chanter là. Voilà, okay. C'est l'heure. Allez, après, c'est l'heure. C'est 3, 4. Le corps du Christ, des pieds à la tête, musclé comme un athlète. Le corps du Christ, comme je l'aime, j'aimerais avoir le même. Je chante mal. Dis-moi, petit Jésus, as-tu fait de la muscu? Moi, j'aimerais avoir le corps du Christ. Victoria, à toi. J'ai oublié les paroles déjà. Tu les chantes. Ouais, écoute, tu les chantes. On est nul. Ok, bah attends, voilà. Je viens de le chanter. Non, tout, tu m'as pas. Voilà. Un espèce de crescendo de voix aussi. La. On revient plus tard. Voilà. On s'applaudit parce que c'est. Bon, nous laissons la place. C'est le Nagui Quiz. Oh, j'ai fait un dos d'honneur. C'est l'invité mystère. J'ai vraiment la blague de l'invité mystère. Et pour moi, vous n'avez pas entendu. Mais qui est l'invité mystère? Elle a demandé. Faites lâchez-vous. Qui a accroché cette chaussette au plafond? Si avant la fin de la nuit anonyme, vous trouvez qui est l'invité mystère, vous recevrez en cadeau le pack La Nuit Anonyme avec dedans Clara.